Et oui, mais c'est ce que je fais. Contrôle C. Et ça marche pas. Merci, je vais, merci, je vais, merci, je vais, merci, je vais, merci, je vais, merci, je vais, merci, je ma vie, hein, je suis blonde, mais pas tout à fait. Ouais, I know, je sais. Et toi, j'en ai fait mille fois des copies. Et là, pourquoi ça? Attends, je vais essayer sur un Word. Ça veut pas aller dans mon browser. Hey, je vais à Barcelone next weekend. Youpi! Et ben ça le copie pas ce coup-là. C'est quoi le délire? Barcelone, Barcelone. Pourquoi j'arrive pas alors? C'est marrant, ça me garde mon dernier truc. Allô, allô, salut Lorté, comment ça va? Alouette, gentille alouette. C'est pas facile, hein. En plus, plus, j'ai qu'un diatonique, donc pas toutes les notes. Un quoi? Un fieu? C'est comment ça?